baby. Aucun de nos efforts, aucun de mes remords n'aura suffi. Ces larmes sur ton visage, notre histoire en naufrage me rend si triste. Mais il paraît qu'avec le temps, on nous lit. Je m'en vais, je m'en vais. I'm so. Excusez-moi, pas si bien, soit aille d'autre côté, va être d'autre vie d'un coup.